Alice regarde le ciel, elle se sent pousser des ailes, elle voudrait juste pouvoir caresser l'étoile du berger. Elle se dit que la nuit est belle, elle voudrait vivre un peu plus haut, pouvoir cacher le soleil et savoir rêver à nouveau. Mais si tu savais, Alice, que c'est la nuit qui te fait mal et qui te laisse un peu plus triste quand tu vois filer les étoiles. Mais si tu savais, Alice, que la nuit n'est pas vraiment belle quand les silences nous résistent à chaque étincelle. Alice écoute le vent, elle croit que le monde est grand et a volé un peu plus loin. Elle pourrait changer son chemin. Elle a bien trouvé le courage de déchirer ses sentiments, pouvoir brûler ses images et enfin trouver le présent. Mais si tu savais, Alice, que c'est la nuit qui te fait peur et qui te laisse un peu plus triste quand tu penses à toutes ces erreurs. Mais si tu savais, Alice, que la nuit n'est pas vraiment belle quand les silences nous résistent à chaque étincelle. Alice ne veut pas croire qu'il existe encore de l'espoir, qu'un jour elle pourrait bien se dire que c'est beau de se souvenir. Mais elle ne sait pas comment faire pour pouvoir changer les silences, laisser enfin cet univers vivre un peu de son absence. Mais si tu savais, Alice, que c'est la nuit qui te fait mal et qui te laisse un peu plus triste quand tu vois filer les étoiles. Mais si tu savais, Alice, que la nuit n'est pas vraiment belle quand les silences nous résistent et que ta vie se fait cruelle. Et si je pouvais, Alice, accrocher un peu de tes peurs, les faire changer en délices et je sens battre ton cœur. Mais si tu m'entends, Alice, pourquoi est-ce que tu continues à vouloir créer une éclipse sous cette vie que t'as connue? Oh.